Chapitre 49. Un juge, un commissaire, un magistrat, je ne sais de quelle espèce, vient de venir. Je lui ai demandé ma grâce en joignant les deux mains et en me traînant sur les deux genoux. Il m'a répondu en souriant fatalement. Si c'est là tout ce que j'avais à lui dire. Ma grâce, ai-je répété. Ou par pitié, 5 minutes encore, qui sait. Elle viendra peut-être. Cela est si horrible à mon âge de mourir ainsi. Des grâces qui arrivent au dernier moment, on l'a souvent vu. Et à qui ferait-on grâce, monsieur, si ce n'est à moi? C'est exécrable, bourreau. Il s'est approché du juge pour lui dire que l'exécution devait être faite à une certaine heure, que cette heure approchait, qu'il était responsable, que d'ailleurs il pleut, et que cela risque de se rouiller. Et par pitié, 1 minute pour attendre ma grâce, ou je me défends, je mords. Le juge et le bourreau sont sortis. Je suis seul, seul avec 2 gendarmes. Oh, l'horrible peuple avec ses cris de hyène! Qui sait si je ne lui échapperai pas, si je ne serai pas sauvé, si ma grâce? Il est impossible qu'on ne me fasse pas grâce. Ah, les misérables! Il semble qu'on monte l'escalier. 4 heures.